En attendant, je crois que tu as reçu une blague d'un téléspectateur. Ah oui. D'un auditeur. On est filmé maintenant. D'un éditeur. Non, pas un éditeur, un auditeur. Un auditeur. Alors, qui c'est? Dis-nous. Oui. Alors, c'est Edgar de Lyon. Avec un D. Oh. Avec un D, Edgar. Edgar de Lyon, elle est bonne. Elle est bonne. On a changé d'émission. Déjà, elle est bonne. Où est Bouvard? Gilles de Troyes. Attention, les bordels. De Monsieur Edgar de Lyon. Vas-y, Maurice. Maurice. Démerde-toi. Qu'est-ce que poil de carotte dans un sidecar? Qu'est-ce qu'un poil de carotte dans un sidecar? Une carotte râpée? Non. Le roue de secours. Voilà. Wow. Merde. Et là, c'est le drame. Oui. On a pas de rire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de rire enregistré. Ah, pardon. Refais-la. Le route. Ah oui, on fera le montage. Oui, on coupera au montage. Alors, Maurice, je crois que tu as reçu une blague d'un téléspectateur. De l'auditeur de Lyon. Deux fois. Voilà. Oui. C'est Edgar de Lyon qui m'a écrit. Qu'est-ce que poil de carotte dans un. Qu'est-ce que. J'en peux plus. Il a répété 6 mois cette blague pour la sortir. Oh là là. Ça commence fort là. Merci Edgar de Lyon. On me fait dire qu'on est déjà en 2012. Hein, Qu'est-ce que poil de carotte. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que. Oh là là. Non, mais tu vois, la prochaine, il se gourre à Kesk. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois qu'avec une Freebox, on peut décoder? Oh là là. Même pas, maman même est saoule. C'est pas une Freebox, c'est une Freebox. Dans un cimetière. Ah, on n'a pas entendu. Dans un cimetière. Non, le cimetière, il n'est pas là encore. Qu'est-ce que poil de carotte dans un Simcar? C'est la voiture de Sim. Ouais. Un sidecar. On recommence la phrase en anglais. Qu'est-ce que poil de carotte dans un 7-car? Un 7-car. Voilà. Dans un 4-car. Dans un 4-car. Dans un 4-car. Dans un sidecar. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce que poil de carotte dans un sidecar? Ah, là, elle passe. Là, d'accord. Le roue de secours. Oh. Hey. Un petit mot de Claude Lelouch. Tout ça pour ça.